16, 11, observation, le temps qui passe. Passé. Tout à l'heure. Présent. Maintenant. Futur. Tout de suite. Tout à l'heure. Plus tard. Notez que tout à l'heure se réfère au futur, mais aussi au passé.